Que ta lumière soit dans mon esprit. Nuru yako ikuje katika roho yangu. Et que ta grâce na neema yako me couvre cet après-midi. Inifunike ujioni ya leo. Au nom de Jésus. Kwa jina la Yesu. Amen. Amen. Nous accueillons l'homme de Dieu. Tunamkaribisha mtumishi wa Bwana. Je voudrais que nous puissions acclamer le Seigneur. Acclamons très fort le Dieu de notre salut. Acclamons le Dieu de notre guérison. Notre appui qui est toujours près de nous. Dis-lui merci. Il vient de nous faire arriver jusqu'ici. Il y a une grande puissance dans la louange. Il y a des portes, il y a des choses qui tombent quand nous sommes en train de louer Dieu. Il y a des forces des ennemis qui sont en train d'échouer. Quand nous sommes en train d'acclamer Dieu, des chants de victoire, des cris de victoire, que les forteresses tombent, ce qui te bloquait pour que tu ne puisses pas entrer dans ta destinée. Reçois la bénédiction de l'Éternel et la grâce de l'Éternel. Seigneur, nous disons merci. We honor you. Nous t'honorons. We are humbled. Nous sommes humbles. By all that you have done for us. À cause de tout ce que tu as fait pour and nous. And the good work you have begun in us. Et le bon travail que tu as we commencé. We give you glory en nous. And honor. Nous te rendons la gloire et l'honneur. And even now, Lord, we pray. Et maintenant, Seigneur, nous prions. Have your way. Que tu puisses and prendre ton chemin, glorified. Que ta volonté soit faite et que in tu sois Jesus glorifié. Name we pray. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen. Amen. Napenda kuwasalimu katika jina la Yesu Kristo. Hamjambo. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus. Pungie mkono wako sema haleluya. Vous pouvez me saluer et dire alléluia. Amen. Amen. Mungu wabariki sana. Que Dieu vous bénisse. Tumefurahi kuwa hapa katika mji wa Goma. Ça a été une joie pour nous d'être dans la ville de Goma. Tumehisi upendo wenu. Nous avons senti votre amour. Tumefurahia chakula chenu. Nous avons aimé votre nourriture. Tumefurahia uimbaji wenu. Nous avons aimé votre manière de chanter. Na upendo wenu kwa ajili ya Mungu. Et votre amour pour Dieu. Na Mungu akitujalia. Et si Dieu nous fait grâce. Tutarudi tena. Nous reviendrons encore. Amen. Amen. Na pia na nyinyi tunawaalika. Nous vous invitons aussi. Mungu akiwajalia mtembelee pale Kenya. Si Dieu vous fait grâce, visitez-nous au Kenya. Katika jina la Yesu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Na kama vile Papa Eston amesema, comme Papa Eston l'a dit, ya kwamba hii ndio session yangu ya mwisho. C'est la dernière séance pour moi. Ningependa kualika wapendwa tuliokuja pamoja na wao. Je voudrais inviter les bien-aimés avec qui nous sommes venus. Pamoja na mke wangu. Madame. Waje tu aseme kwaheri. Qui viennent juste dire au revoir. Muwapatie salamu. Et que vous puissiez leur saluer, leur donner les salutations qu'ils vont ramener au Kenya. Katika jina la Yesu Kristo. Au nom de Jésus Christ. Asante. Merci. Gloire soit rendue à notre Dieu. Bwana Yesu asifiwe. Gloire soit rendue à notre Dieu. Alléluia. Amen. Ah, nashukuru Bwana kwa sababu ya nafasi ametupa. Je bénis le Seigneur pour l'opportunité qu'il nous a donnée. Ah, mimi naitwa Chris. Moi c'est Chris. Ah, nahudumu chini ya apostle pale Nakuru. Je suis ministre sous l'apôtre à Nakuru. Na ni nafasi nzuri nimeona Mungu ametupatia ya kuhudumia mwili wa Kristo. Et j'ai une bonne opportunité que Dieu nous a donnée pour servir le corps du Christ. Ah, soit hapa Goma. Et surtout ici à Goma. Tumefurahishwa na upendo wenu mkuu. Nous avons été vraiment émerveillés par votre amour. Ya kwamba tumeisi kwamba ya kwamba tumekaribishwa hata kabisa. Nous avons senti que vous nous aviez très bien accueillis. So mimi niko pale katika mipangilio ya mikutano ile tunafanya apostle Kimani. Moi je suis dans les rencontres que nous faisons avec l'apôtre. Na kawaida mimi utangulia kama ile tumetoka Burundi na tangulia labda kama wiki mbili. Et moi je suis celui qui va avant, je vais peut-être deux semaines avant quand il y a une rencontre qui est organisée par exemple au Burundi. Na kwa sababu nimesikia apostle akisema ya kwamba tutakuja hapa Burundi najua ya kwamba nimepata madugu na dada Et comme l'apôtre a dit que nous allons revenir ici, je sais que quand je veux venir pour être le précurseur, il y aura des frères et sœurs qui vont m'accueillir. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Je suis humble d'être parmi vous. Je bénis l'Éternel pour notre papa, apôtre Kimani. Il nous a bien gardés. Et il a prié pour nous. Nous bénissons aussi Dieu pour l'accueil de Papa Easton et Maman Rosette et tous nos amis et tous les leaderships de l'Église. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais vous laisser avec une parole. Il y a un papa qui amena son enfant à l'école. Et puis le directeur de l'école a dit, cette école, c'est une école des personnes qui sont sauvées. Si tu veux étudier ici, il faut d'abord être sauvé. L'enfant a dit, je suis sauvé. Et puis le directeur a dit, on va tester ça avant que tu n'entres. Il a demandé à l'enfant, la Bible et le téléphone. Si les deux tombent, quelle est la première chose que tu vas ramasser? L'enfant, l'élève a répondu, c'est pas possible. Parce que dans le téléphone, il y a la Bible de papa. L'enseignant a pris le téléphone et la Bible. Il a dit, si ça tombe, qu'est-ce que tu vas d'abord ramasser? Il dit, non, je vais prendre d'abord le téléphone. On lui a demandé pourquoi. Il a dit, la parole de Dieu ne peut pas tomber et ça ne peut pas être brisé. Donc même si la Bible tombe, la Bible reste la Bible. Mais le téléphone de mon papa sera brisé. C'est possible que l'apôtre ne vous a pas donné de l'argent. Mais il vous a donné une parole qui ne peut être brisée. Wow, amen. Bwana asifiwe. Amen. Hewani. Amen. Hiyo mikono ikiinuliwa Mungu akiangalia na furahia. Quand Dieu voit ses mains levées, il est très content. Tunasema ni asante kwa Mungu wetu. Nous disons merci à notre Dieu. Nasema pia na furahia vile nimefika hapa Congo. Je veux aussi réitérer, je suis content d'être au Congo. Ya mwaliko watumishi wake. Au travers de l'invitation de ses serviteurs. Reverend Easton. Révérend Easton. And Pastor Rosette. Rosette. Pasteur Rosette. Excusez-moi avec la prononciation de ce nom. Et nous sommes vraiment contents comment vous nous avez accueillis. Nous sentons à l'aise et à la maison. Ce que je vais vous dire, c'est ceci. Pour le temps que nous avons passé ici, nous étions aux pieds de Jésus. Et Marie et Marthe, quand Jésus leur a visité, Marthe était préoccupée à préparer pour les visiteurs. Mais Marthe était sous les pieds de Jésus. Marie était aux pieds de Jésus. Et quand Marthe est venue se plaindre, Jésus a dit à Marthe, Marie a choisi la bonne part. Donc, étant ici au pied de Jésus, même si c'est pour peu de temps, c'est la bonne part. Si tu étais là dehors, tu es dans d'autres affaires. Mais le temps que tu as passé ici, laisse que Dieu au ciel est en train d'enregistrer ce temps. Et aussi pour ajouter, en étant assis au pied de Jésus, il y a des choses que nous recevons de ses serviteurs. Et Salomon a conseillé à son fils. Il lui a dit, achète la sagesse. Il lui disait, achète la vérité. Na ukinunua ule ukweli, et si tu achètes cela, usiweze kuuza. Faut pas le revendre. Nunua pamoja na hekima, achète la sagesse, hata maarifa, et aussi la connaissance, na hata mashauri, et aussi les conseils. Lakini usiweze kuyapoteza. Mais il faut pas perdre cela. Kwa hivyo wakati huu tumekuwa hapa, donc le temps que nous étions ici, ni ya kwamba tumekuwa tukinunua mambo haya. Nous étions en train d'acheter ces choses. Kuna ukweli wa Mungu tumekuwa tukinunua. Il y a la vérité de Dieu que nous avons acquérie. Kwa sababu ukweli wa Mungu haununuliwi na pesa na fedha. Parce que la vérité de Dieu n'est pas achetée avec de l'argent. Unanunuliwa katika kukaa katika miguuni wa Yesu. Quand nous sommes assis aux pieds de Jésus. Kwa hivyo neno langu ni hili. Ainsi ma parole est celle-ci. Musipoteze ule ukweli. Il faut pas perdre cette vérité. Musiuze ule ukweli. Il faut pas vendre cette vérité. Mashauri mumepata musiyapoteze. Les conseils que vous avez eu, il faut pas le perdre. Hekima mumepata musiyapoteze. La sagesse que vous avez reçue, il faut pas le hata perdre. Hata maarifa yote ambayo mumepata. Toute la connaissance que vous avez reçue. Musiweze kuyapoteza. Il faut pas le perdre. Muyafanyishe kazi. Il faut l'exploiter. Na kisha tutapata ripoti nzuri ya kwamba après nous aurons un bon rapport. Kumekuwa na mabadiliko. Disant qu'il y a eu la transformation. Naye Mungu atatukuzwa. Et Dieu sera glorifié. Hapa duniani. Ici sur la terre. Na hata juu mbinguni. Et aussi au ciel. Kwa hivyo Mungu awabariki. Ainsi que Dieu vous bénisse. Na aweze kuwatenda mema watu wa Congo. Et qu'il fasse du bien aux Congolais. Tutazidi kuwaombea ya kwamba. Nous allons continuer à prier pour vous. Mapenzi ya Mungu yakazidi kufanyika. Pour que la volonté de Dieu continue à se faire. Juu ya maisha yenu na juu ya nchi yenu. Et aussi dans votre pays. God bless you so much. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom, shalom. Shalom. Glory to God. We give gloire you praise. À Dieu. Nous te rendons la gloire. Nous te rendons la gloire. Nous te rendons la gloire, notre Dieu. Amen. Amen. Jana tulijifundisha juu ya nini? Hier, qu'avons-nous appris? Juya. C'est quoi? C'était quoi hier? Juya hatima. Tulijifundisha juu ya vita vikuu na tukasema zile vita vikuu tunapigana ni vita vya nini? Nous avons appris sur les grands combats que nous avons hatima. Et nous avons dit Wanga que le grand combat c'est le combat de la destinée. Qui vont continuer à combattre Mungu pour leur destinée? Que Dieu vous fasse grâce de combattre pour votre destinée au Yesu. Nom de Jésus. Wiki, tumeondoa vizuizi vyote. Cette semaine nous avons ôté tous les obstacles. Nous avons brisé toute méchanceté, toute opposition. Et quand tu prends l'opportunité pour prier et jeûner, souviens-toi que la grande prière que tu peux prier, c'est que Dieu accomplit ma destinée. Accomplis le plan que tu as fait, que tu puisses, qui a fait que tu puisses me créer sur la terre. Sasa siku ya leo, aujourd'hui, na ongea juu ya ujumbe ambao umeshikana na ujumbe wa hatima, je vais donner un message qui est comme le message d'hier parlant de la destinée. Ongea juu ya kutoa ukuu wako. Je veux parler de libérer ta grandeur. Yani, kila moja wetu, chacun d'entre nous, il y a une grandeur que Dieu a mise en toi. La Bible dit, hazina hii, cette richesse imewekwa katika chombo cha udongo, a été mise dans un vase de terre. Ni mwili wako, et cette vase, ce vase, c'est ton ndani corps. Yako, mais en toi, na ndani ya kila mwanadamu, et de, au-dedans de chaque humain, kuna hazina, il y a une richesse. Kuna ukuu, il y a une grandeur ambayo Mungu ameweka, que Dieu a placée là de, là-bas. Ni kama yale makampuni huweza kupack vitu. C'est comme les compagnies qui sont en train de mettre les choses ensemble. Mafuta ya kupikia. Peut-être c'est l'huile pour ile préparer. Ile kampuni haiwezi kufunika ule mkebe. Et puis l'usine ne peut pas fermer. Ukiwa hauna kitu chochote ndani. S'il n'y a rien dedans. Lazima wahakishie kwamba kuna kitu ameweka pale. Ils doivent se rassurer qu'ils ont d'abord mis quelque chose ni cha dhamana, qui est de valeur. Na wewe wakati Mungu alipokuumba, et toi aussi quand Dieu t'a créé, hakukuumba ukiwa tupu. Il t'a pas créé en étant vide. Hapana. Non. Mungu hawezi kufanya hivyo. Dieu ne peut pas faire cela. Wakati Mungu alikuumba, quand Dieu t'a créé, aliweka hazina. Il a mis une richesse. Aliweka ukuu. Il a mis une grandeur ndani yako. En toi. Na kwa hivyo uwezo wa kutimiza na kuingia kwa hatima, la capacité d'arriver à ta destinée, hautegemei tu mambo yaliyo nje, ne dépend pas seulement de ce qui est à l'extérieur. Jana tuliangalia sana mambo yaliyo nje. Hier nous avons beaucoup vu les choses qui sont à l'extérieur. Yanategemea pia wewe kuangalia na macho ya ndani. ndani. Ça dépend que toi aussi tu puisses voir avec les yeux intérieurs. Na kuona kile Mungu ameweka. Et voir ce que Dieu a placé. Na kuwa na uwezo wa kutoa. Et avoir la capacité de redonner cela. Wakorintho wa kwanza 7 mstari wa 7. 1 Corinthiens 7:7. Paul akiongea anasema, Paul est en train de parler. Na kila mtu akona kipawa chake. Il dit chacun a son don. Ambacho amepewa na Mungu. Donné par Dieu. Hakuna mtu ambaye Mungu alimuumba. Il n'y a personne créé par Dieu. Akakosa kumpatia kipawa. Et il t'a pas donné un don. Akakosa kuweka hazina ndani yake. Et il n'a pas mis une richesse en toi. Na Biblia inaendelea kusema ya kwamba, et la Bible continue à dire, kipawa cha mtu, c'est le don de chacun, ambacho umtengenezea njia, qui fraye le chemin, anakaa mbele ya wakuu, pour qu'il puisse s'asseoir devant les grands. Kwa hivyo ni kumaanisha kile umebeba. Cela veut dire ce que tu portes. Ukielewa ni nini umebeba. Si tu comprends ce que tu portes en toi. Basi, ainsi, kitakusaidia. Ça va t'aider. Hata kukaa mbele ya watu wakubwa. Pour s'asseoir devant les grands. Bwana sifiwe. Gloire à Dieu. Hey, Bwana sifiwe. Gloire à Dieu. Mnaelewa vile ninavyosema? Vous comprenez ce que je dis? Wakati Biblia hata Mungu anasema ufanye kazi. Quand la Bible dit il faut travailler. Biblia haimaanishi tu uweze kuingia na mikono yako na kutoa jasho. La Bible ne dit pas que tu puisses juste entrer dedans et suer beaucoup. Biblia inaongea juu ya kufanyika. La Bible dit il faut que tu puisses devenir ce que Dieu t'a créé pour être, kufanyika. Pour que tu sois. Na kwa hivyo kuelewa, ainsi comprendre, ni nini hicho, c'est quoi cette chose ambacho Mungu ameweka ndani yako, que Dieu a mis en toi, ni ya muhimu sana. C'est très important. Hauwezi timiza hatima yako. Tu ne peux pas accomplir ta destinée bila kuelewa, sans comprendre, kile ambacho umebeba, ce que tu portes en toi. Hata masomo ambayo huwa tunasoma katika shule, même les études où nous allons, masomo yale, les études yanafaa kutusaidia kusafisha, doivent nous aider à nous laver, na kungalisha, pour faire briller, kile ambacho, ce qui est, tumebeba ndani yetu, ce que nous portons déjà en nous. Wanafunzi wakifika mahali fulani, c'est pourquoi à un certain niveau les élèves, lazima wachague masomo, ils doivent choisir. Watakaoendelea kusoma, qu'est-ce qu'ils vont continuer, dans quel domaine ils vont évoluer, kuchagua, un domaine, ce qui va les aider, ni kazi gani, à choisir quel est le travail qu'ils vont faire dans le futur. Na hayo masomo wanapoyachagua, et quand ils vont choisir le domaine, waangalie ndani yao, il faut qu'ils puissent voir au-dedans d'eux, na watambue, et qu'ils puissent découvrir ni nini hicho Mungu amenipatia, quelle est cette chose que Dieu m'a donné, ambacho naweza kufanya, que je peux faire kwa urahisi, facilement. Na kwa wepesi. Et avec aisance. Samaki hangangani kuogelea katika maji. Le poisson ne se trouble pas pour nager dans l'eau. Ndege hangangani kutambaa katika hewa. L'oiseau ne fait pas trop d'efforts pour se voler. Kwa sababu ile kuogelea kwa samaki, parce que quand le poisson est en train de nager, imetengenezwa kwa samaki. C'est naturel pour le poisson. Ile kupaa katika hewa, pour voler pour les oiseaux. Iko kwa ndege. C'est naturel pour l'oiseau. Na wewe kuna kitu Mungu aliweka ndani yako. Il y a quelque chose que Dieu a mis en toi. Ambacho unaweza kufanya. Que tu peux faire. Sio tu kwa ajili ya pesa, pas seulement pour avoir de l'argent, lakini ukatimize kusudi lako, mais aussi pour accomplir ta destinée. Jina la Bwana lipewe sifa. Gloire à Dieu. Ni vibaya sana, c'est vraiment triste, mwanadamu yeyote, si un humain akakaa chini, et assis, ni kana kwamba, comme si, hakuna kitu Mungu aliweka ndani yako. Il n'y a rien que Dieu a mis en lui. Hiyo ni matusi hata kwa mwenye aliyekuumba. Ça c'est insulte pour celui qui t'a créé. Kwa sababu aliyekuumba, parce que celui qui t'a créé, anajua, il connaît, hakukuumba bure, il t'a pas créé pour rien. Aliweka hazina, il a mis une richesse. Amekuumba kwa mfano wake, il t'a créé à son image. Aliweka ukuu, il a mis la grandeur. Lakini shetani, mais le diable, angetaka akufinyirie, veut qu'il puisse te garder. Vile nilivyosema jana, et comme j'ai dit hier, akufanye bule, il veut te rendre un vaurien, akufanye ujidunishe, il veut te rendre que tu ne seras plus, akufanye ujidharau, que tu puisses même te mépriser. Na ngome moja kuu ya Afrika, et l'un des problèmes des Afriques, ngome ya kujidharau, c'est se mépriser, le mépris Afrika de soi. Wafrika wengi, plusieurs Africains, hata kama wamebeba ukuu, même s'ils ont la grandeur, wanajidunisha, ils se négligent, ils se méprisent. Sijui ni kwa sababu shida nyingi tumepitia, je ne sais pas si c'est à cause des multiples problèmes ya que nous avons eu, tulizaliwa nayo, notre historique de malheur où nous sommes nés. Yanatufanya tujidunishe. Ça fait que nous puissions nous mépriser. Lakini kuna ngome ya kujidharau. Mais il y a cette forteresse de kuna se mépriser. Kuna ngome ya kujidunisha. Il y a cette forteresse de se mépriser, de s'enlever en bas ici en Afrique. Jina Bwana ipewe sifa. Gloire à Dieu. Lakini hiyo ngome inavunjika. Mais ces forteresses seront brisées. Katika jina la Yesu. Au nom de Jésus. Wale wako kwa sound wa diminuer un peu son micro. Waereze. Wapunguze. Unasikiaje? Yako kiko juu sana. diminuer un peu. Yeah. Asante. Bwana asifiwe sana. Ah, hapo ni sawa. Là c'est bon. Amen. Amen. Ngome ya Afrika nimesema. Forteresse en Afrique, je l'ai dit. Ni ngome ya kujidharau. C'est forteresse de se négliger. Afrika wengi. Plusieurs Africains, ils regardent leur peau. Kule waliko les zariwa, autres regardent d'où ils sont venus. Na wanajidunisha. Et ils se méprisent. Mwafrika hata akifaulu kidogo. L'Africain, même s'il a un peu de succès, anafikiria amefaulu sana. Il croit qu'il est arrivé. Ni kwa sababu ametoka mahali pa shida. C'est parce qu'il vient de loin. Sasa akiona akona nyumba. Quand il voit, il a juste une pengine maison. Akona gari. Peut-être il a juste une na voiture. Mambo madogo madogo. Et des petites choses. Anaona kama hapo ndiyo mwisho wake. Il croit que c'est là la fin. Lakini kumbe amebeba msaada zaidi. Peut-être il a un appui plus lakini supérieur. Kwa sababu ametoka chini sana. Mais parce qu'il vient de tellement bas. Vous savez, si vous allez dans d'autres nations, la voiture, c'est rien. Les autres ont même volontairement abandonné les voitures, ils veulent aller avec vélo. Ils sont fatigués avec les voitures. Les autres, ils te disent, mon arrière-grand-père, c'est lui qui a fabriqué la première voiture Volkswagen. Donc pour lui, la voiture, c'est rien. Anatafuta kufanya mambo makubwa. Il recherche de plus grandes choses. Lakini hapa Afrika, mais ici en Afrique, mimi nanunua gari, j'achète une voiture. Watu wanasema, et les gens disent, kwa nyumba yetu, dans notre famille, wewe ndio wa kwanza. C'est toi le premier. Kuona uko na gari ya miguu ine. Avoir un véhicule à quatre pieds. Wengine waliotangulia, les autres qui sont venus avant, walikuwa na za mguu moja. Ils avaient véhicule à un na miguu miwili. Et deux pieds. Ya miguu ine. Quatre pieds. Ndio mara ya kwanza tumeiona. C'est la première fois que nous voyons sasa cela. Tumetoka katika hiyo hali. Alors venant de cette situation ya kufinyiriwa, d'être coincé, ya kuteseka, de souffrance. Unakumbuka hata Samueli. Tu te souviens même de Samuel. Wakati alimwambia Saul. Quand il parlait à Saül. Ya kwamba wewe. Que toi. Ndio utakaye kuwa. C'est toi qui seras. Mfalme wa Israeli. Le roi d'Israël. Sauli alisema. Saul lui a dit. Comment tu peux me dire des grandes choses comme ça? Haujui mimi ni nani? Tu ne connais pas qui je suis. Mimi ni Benjamini. Moi je suis de la tribu de Benjamin. Kabila letu ndio ndogo. Nous sommes la plus petite tribu. Na mimi ndiye mdogo. Et c'est moi le plus petit. Katika nyumba ya baba yetu. Dans la maison de mon père. Bona kuniambia mambo makubwa namna hiyo. Comment tu peux me dire des grandes choses comme ça? Kwego kuna watu. Donc il y a des gens. Hata Mungu akiwaonyesha maono. Même quand Dieu leur donne une vision. Hata Mungu akiwanenea na sauti. Même quand Dieu leur parle avec hawawezi sa voix. Kubali. Ils n'acceptent pas. Ni kama wanaambia Mungu. C'est comme s'ils disent à Dieu. Mungu unaniambia mambo makubwa namna hiyo. Dieu, comment tu peux me dire des grandes choses comme ça? Haujui kule nimetoka. Ne sais-tu pas d'où je viens? Hata mimi ni mjane. Je suis veuve. Hata mimi ni yatima. Je suis orphelin. Hata mimi sijasoma. Je n'ai pas étudié. Haujui jamii yetu ni masikini. Tu ne connais pas que ma famille est pauvre. Na hiyo inafinyiria. Et cela est en train de vous coincer. Ule ukuu. Coincer la grandeur que Dieu avait déposée dans votre vie. Je suis venu pour t'annoncer. C'est la saison de l'Afrique. L'Afrique va s'élever maintenant. L'Afrique va éclairer maintenant. Au nom de Jésus. Et c'est toi qui feras que l'Afrique puisse briller. Le Congo va briller. Et ce n'est pas les Kenyans qui viennent aussi. C'est les Congolais eux-mêmes que Dieu va élever. Pour commencer à briller. Nous bénissons Dieu pour l'évangile. Il y a eu des serviteurs de Dieu Osborne, comme Elsborne, comme Saruro, comme Maurice, comme Billy Graham, comme Billy Graham na wengine wengi, et d'autres. Reinhard Bonnke. Bonnke. Lakini majira haya, mais cette saison, Mungu anainua wa Afrika Dieu wenyewe, va élever les Africains eux-mêmes qui vont prêcher l'Afrique et ils vont prêcher katika ya dans les nations de la jina la Yesu Christ. Au nom de Jésus. Samuel akamwambia Saul. Samuel disait à Saul. Roho wa Mungu. L'esprit de Dieu. Atashuka juu yako. Descendra sur toi. Atakubadilisha. Et il va te transformer. Na utakuwa mtu mwingine. Et tu seras un autre homme. Ukiamini Mungu. Si tu crois en na Dieu. Na kile anasema juu yako. Ce qu'il a dit sur toi. Nguvu za Mungu. La puissance ziko de Dieu. Na uwezo wa kubadilisha. Il a la force de na te changer. Kuzaa. Et que tu puisses enfanter. Na kutoa. Et que tu puisses devenir. Ukuu ulio ndani yako. La grandeur qui ninapomaliza jioni ya leo. Quand je suis en train de finir ce soir. Ninatangazia katika kanisa hili. Je vais déclarer annoncer à cette covenant, église. L'arche de l'alliance. Watu wale wanabeba ukuu. Les gens qui portent jioni la grandeur. Ce soir. Pokea kufunguliwa kwako. Reçois ta libération. Ukuu wa kumtumikia Mungu. La grandeur de servir Dieu. Ukuu wa biashara. La grandeur dans les ukuu affaires. Ukuu wa kutenda kazi mbalimbali. La grandeur dans la profession. Na achilia ukuu wako. Je libère ta grandeur. Jioni ya leo, ce soir, kila ngome ya kujidharau, kila ngome ya kujidunisha, wacha ianguke, que ça tombe, jioni ya leo, ce soir, katika jina la Yesu. Au nom de Jésus. Praise the name of the living God. Gloire à Dieu. La Bible dit dans le livre de Job, Mungu ni mkuu, Dieu est grand, lakini, mais hamdharau mutu yeyote. Il ne méprise personne. Kama kuna kitu Mungu hawezi kufanya, s'il y a quelque chose que Dieu ne peut faire, il ne peut mépriser personne. Kwa sababu gani? Pourquoi? Mungu anajua hata watu wale wakubwa duniani. Dieu connaît les grands de ce monde. Niye amewainua. C'est lui qui les a élevés. Matajiri wakubwa. Les grands riches. Wafalme wakubwa duniani. Les grands rois du monde. Anajua walikuwa watu wa kawaida. Il connaît où et d'où ils ont venu. Niye amewainua. C'est lui qui les a kwa élevés. Akiona mtu wako chini. Donc quand il voit quelqu'un qui est en bas, hawezi kumdharau. Il ne peut pas le mépriser. Anajua hata huyu. Il sait même celui-ci. Akiniamini. S'il croit en moi, je peux l'élever. Alimwambia Daudi, il a dit à David, wakati alikuwa anafuata kondo, quand tu étais encore avec les troupeaux, Daudi, il a dit à David, nimekuchagua, je t'ai choisi, nitakufanya, je vais faire de uwe toi na jina kubwa, que tu aies un grand nom kama wale wafalme wakubwa, comme les grands rois de ce duniani, monde, de ce monde. Mungu anaweza kuinua mtu yote. Dieu peut élever n'importe anachukua qui. Masikini, il prend le pauvre katika borea atakataka, de la anawaketisha, poubelle, il le fait asseoir, wanakura pamoja na wafalme, et ils vont se mettre à table imani yako avec jioni les rois ya leo. Libère ta achiria foi imani soir, yako jioni ya leo. Libère ta foi ce soir. Mwambie Bwana, dis à Dieu, fungua ukuu, ouvre la grandeur ulio ndani yangu, qui est en moi, ili ukajiletee utukufu, pour que je tu puisse avoir la gloire. Achiria ukuu wako. Quand tu libères ta grandeur, Mungu anaheshimiwa. Dieu a le respect. Mungu anapata utukufu. Dieu reçoit la gloire. Kwa sababu inakuwa ishara. Parce que c'est un signe. Ya kwamba Mungu hakuumba watu tu wateseke. N'a pas créé les gens pour souffrir. Hakuumba watu ambao ni bure. Il n'a pas créé les gens pour rien, pour ne voir rien. Hier, je t'ai dit, vita vile vikubwa, le grand combat, ni vita vya hatima, c'est le combat de la destinée. Hata ukiona wazimu, même si tu es fou, anatembea kwa barabara, tu vois un fou sur la rue, il ne faut pas te moquer de lui. Alikuwa millionnaire. Peut-être il était millionnaire alikuwa avant. Mubiri mkubwa. Peut-être il était un grand prédicateur avant. Peut-être il était un grand dirigeant. Mais il a été frappé par les forces des ténèbres. Yake, et sa destinée a été détruite. Lakini jioni ya leo, mais ce soir, tunashinda, nous serons vainqueurs par le sang de Jésus. Et la force du Saint-Esprit, nous allons entrer dans nos destinées. Gloire à Dieu. Je voudrais que nous puissions voir brièvement qu'est-ce qui peut aider un homme pour libérer la grandeur qui est en lui. Je vais vous donner une formule qui a déjà marché dans la Bible. Na imefanyiwa utafiti. Et on a déjà fait des recherches là-dessus. Na viongozi wa dunia. Par les leaders de ce monde. Kwa sababu, parce que viongozi wakuu katika dunia, les grands leaders de ce monde, wamekuwa wakifanya utafiti. Ils sont fait des recherches wakuuliza, pour se poser la question, ni nini inaweza kutoa ukuu, qu'est-ce qui peut faire sortir la grandeur ya mwanadamu, qui est dans un homme. Kwa sababu, watu ambao wako pale juu, parce que les gens qui sont élevés, wanajierewa, ils se comprennent. Ya kwamba walikuwa watu wa kawaida. Ils savent qu'ils sont venus, ils étaient des gens normaux. Niliposa siku ya kwanza nilipohubiri hapa. C'est pourquoi la première fois que je prêchais ici. Nilikuwa mkutano wa wachungaji. Je crois que c'était avec les serviteurs. Nilichukua tu nafasi hiyo kutoa my testimony. J'ai pris l'opportunité pour donner mon témoignage. Kwa sababu ushuhuda wa mtu unaweza kusaidia. Parce que le témoignage de quelqu'un peut t'aider. Kwa sababu mimi zamani ningeona watumishi wa Mungu. Parce que moi avant je voyais les grands serviteurs de Dieu qui ont été élevés et bénis. Na ningeshangaa walifika hapo. Et je m'étonnais comment ils sont arrivés là. Hein? Nini hiyo walifanya? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Na kwa nilichukua nafasi ya kutoa ushuhuda. Ainsi j'ai pris l'opportunité pour faire donner le témoignage. Parce que le témoignage peut t'aider. Kumbe hata wewe, que tu puisses voir que toi aussi unaweza kuwa kama huyo mtu naye mtazama. Tu peux être comme cette personne kwa que sababu tu vois, hata yeye alipitia hiyo njia umepitia. Parce que lui aussi est passé par le même chemin alikuwa que toi. Shaka, il avait des problèmes. Alikuwa na discouragement. Il avait des découragements. Niliambia wachungaji hapa mimi kuna wakati nilikuwa nimekata tamaa. J'ai dit au serviteur à un certain moment j'ai perdu espoir. Et j'ai écrit une lettre à Dieu. Umeshaiandikia Mungu barua? As-tu déjà écrit une lettre à Dieu? Kaambia Mungu sasa. J'ai dit à Dieu maintenant mimi là. Mimi sijali kile huwa unataka kunipatia. Je m'en fous de ce que tu veux me donner. Lakini nimeona ukae na vitu vyako. Mais reste avec tes histoires. Kwa sababu nimeona havipatikani kwa urahisi. Moi je vois que c'est pas facile d'avoir tes histoires. Wacha niende nijaribu kujisaidia. Laisse-moi aller essayer de m'aider. Nilikuwa nimekata tamaa. J'avais perdu espoir. Lakini kaenda kwa mtumishi wa Mungu. Un serviteur de Dieu. Quand il m'a mis, il m'a imposé la main sur moi. Juu yake. L'esprit est descendu sur lui. Il a prophétisé sur Mungu moi. Ambia, Dieu m'a dit, jia ninayo kupitishia, le chemin dont tu passes, mimi huwapitishia watumishi wangu. C'est le chemin où passent tous mes serviteurs. Et après cela, ninawafanya watu wakubwa. Je les élève. Ah. Nikauliza Mungu. J'ai demandé à Dieu. Njia ni hii hii tu. C'est seulement ça le chemin vraiment. Wengine muko katika njia ya ukuu. Les autres vous êtes dans le, sur le chemin de la grandeur. Lakini hauelewi. Mais tu ne comprends pas. Ya kwamba hiyo njia umepitia. Que le chemin par lequel tu passes. Ni njia wengine walipitia. C'est le même chemin que les Na autres Mungu ont emprunté. Akawafanya watu wakubwa. Et Dieu a fait d'eux des grandes Mungu personnes. Mungu chukua watu wa kawaida. Dieu prend les gens normaux. Anawafanya watu wasio wa kawaida. Et il fait qu'ils soient des gens qui ne sont Praise pas normaux. Gloire à Dieu. Walimwangalia Petero. Ils ont regardé Pierre. Na Yohana. Jean. Wakasema hawa ni watu wa kawaida. Il a dit ce sont des gens normaux. Hata hawajasoma. Ils n'ont même pas étudié. Lakini wamegeuza ulimwengu. Mais ils ont transformé. Kwa sababu gani? Pourquoi? Ilifika mahali. Il est arrivé à Hata certain Petero, moment. Même Pierre. Aliyekuwa mwoga. Qui était peureux. Akaamini. Il a cru. Ya kwamba. Que. Mungu anaweza kunitumia. Dieu est capable de me Praise the name of the living God. Gloire soit rendue à notre Dieu. Ya leo. Ce soir. Sikuwe na mtu atakayeachilia imani yake. Qui est pas quelqu'un qui va libérer sa buana. Foi et qui puisse dire même Unaweza moi aussi Seigneur, tu peux m'utiliser katika jina la Yesu. Au nom de Jésus. Praise the name of the living God. Gloire soit so nimesema viongozi wakubwa duniani. J'ai dit les grands leaders de ce wamekua monde. Wamekuwa kifanya utafiti. Ils ont fait des recherches. Kuliza, ni nini hiyo? Pour demander c'est quoi? Inaweza kushtua mtu. Cette chose qui peut stimuler quelqu'un. Kile kimerana ndani yake. Stimuler ce qui est kikaweza endormi en lui pour que ça puisse se réveiller. Kwa sababu watu wengi, parce que plusieurs personnes huwa wanakaa chini. Ils sont assis. Mara nyingi. Plusieurs fois. Wakihesabu shida zao. En train de compter leurs problèmes. Wakihesabu kushindwa kwao. Ils sont en train de compter leurs faiblesses. Wakihesabu leurs mateso wamepitia. Ils sont en train de compter leurs souffrances. Na utagundua kwamba the biggest percent et tu vas découvrir que le plus grand pourcentage of many people's thought life des pensées de plusieurs they personnes spend most of their time ils pensent ils passent plus de temps thinking about their failures en train and their de challenges penser à leurs échecs et à leurs défis and the Bible says et la Bible dit as a man thinketh ainsi que l'homme pense so he is ainsi sera l'homme. Si tu penses seulement aux échecs, c'est pourquoi si tu lis dans Isaïe, Dieu dit, forget the past. Oublie le passé. I am doing a new thing. Je fais une nouvelle chose. Pour que Dieu fasse une nouvelle chose, il faut que tu puisses oublier le passé et que tu puisses croire que Dieu va faire une nouvelle chose. Je prie que Dieu fasse une nouvelle chose dans ta vie au nom de Jésus. Quelle est cette chose ambayo qui inaweza kutumika peut faire kusaidia mtu t'aider kutoa ukuu pour que tu puisses libérer la grandeur ulio ndani yake qui est en toi ambia jirani yako dis à ton voisin wewe unabeba ukuu tu portes une grandeur en toi hey kama haamini ambia huyo mwingine s'il ne croit pas dis à l'autre voisin qui lui va croire mwambie wewe unabeba ukuu dis lui toi tu portes une grandeur en toi Praise the name of the living God. Gloire soit rendue à notre Dieu. Hallelujah. Amen. Kuna mambo makubwa Mungu ameweka ndani yako. Il y a des grandes choses que Dieu a mises en toi. Watu wengi tuliokuwa tunasoma na wao wakiniangalia nikihubiri. Plusieurs personnes avec qui nous avons étudié quand ils me voient prêcher. Wengi hawezi kuamini ni mimi. Les autres ne croient pas que c'est moi. Kwa mimi kwanza nikiwa shule nilikuwa mtu wa kuaibika aibika. Parce que moi à l'école j'étais quelqu'un qui était dans la honte. Nilikuwa nimetoka jamii ambayo iko na ripoti mbaya sana. Je venais d'une famille qui n'avait vraiment pas un bon nom. Tulikuwa tumefunikwa na aibu. Nous étions couverts d'opprobre. Mimi hata tukiwa na watoto wengine mimi sikuwa nataka kukaa na watoto wengine. Même avec les autres enfants je ne pouvais pas être avec les nilikuwa autres. Nilikuwa nataka tu kukaa kando. Je voulais toujours m'écarter. Kwa sababu ya shida. À cause des problèmes. Ulsas, j'ai eu des maux d'estomac à partir de 5e primaire. Kwa hivyo hakuna mtu tulikuwa naye wakati huo. Donc il y a personne avec qui nous étions à ce moment-là. Ambaye angefikiria kuna kitu kizuri. Qui pouvait croire qu'il y aurait quelque chose de bon. Ambacho kingetoka ndani yangu. Qui sortirait de moi. Na hasa hata kwetu nyumbani. Et même chez nous à la maison. Lakini siku ya leo. Mais aujourd'hui. Hata kwetu nyumbani. Même chez nous au village. Kumebadilika. Ça a été transformé. Watu katika eneo la kwetu nyumbani. Les gens dans mon village. Wanaongea juu ya kwetu. Ils parlent de les gens parlent de chez nous. Mungu anafanya. Ils disent les choses que Dieu est en train de faire pour nous. Là où il y avait la honte. Tunasaidia kijiji mzima. Nous sommes en train maintenant d'appuyer tout le village. Kwa sababu gani? Pourquoi? Kuna Mungu juu mbinguni. Il y a un Dieu au ciel. Ambaye anaweza. Qui est capable. Kufanya mambo makubwa. De grandes choses. Il enlève l'habit de la honte et il se fait porter l'habit de la honneur. Il est le Dieu et il est capable que Dieu puisse ôter cet habit de honte de toi au nom de Jésus. Cet habit que tu as porté, cet habit que les gens t'ont fait porter, que Dieu puisse ôter ce vêtement de honte dans ta vie au nom de Jésus. Praise the name of the living God. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, chez moi, au village, on a fait un puits. Il y a des problèmes d'eau là-bas au village chez nous. Et nous donnons de l'eau gratuitement. Nous sommes en train de construire une usine. Et nous sommes en train d'embaucher plusieurs. Là où il y avait la honte, maintenant les gens viennent rechercher le boulot. Pourquoi? Le Dieu que nous servons, nous adorons, c'est un Dieu qui change les choses. Kubadirisha. Il connaît comment changer les choses. Mungu. Il s'appelle le Dieu. Parce qu'il amène le changement. Samuel, Samuel disait à Saul, l'Esprit de Dieu sera sur toi. Il va te transformer et tu seras un nouvel Mungu homme. Notre Dieu est connu pour être un Dieu qui transforme. Jioni ya leo. Toi ce soir, atabadirisha maisha il va changer yako. Ta vie. Praise the name of the living God. Gloire soit rendue à notre Dieu. Il y a des personnes que Dieu va utiliser en ce lieu pour que leur gloire revienne à lui. Praise the name of the living God. Gloire à Dieu. 3 ans après aujourd'hui, il y a des personnes qui vont regarder leur vie et tu ne sauras pas, tu ne vas pas croire. Toi-même, tu ne vas pas croire ce que Dieu a fait dans ta vie. Parce qu'il y a un Dieu au ciel qui connaît changer les choses. Libère ta foi. Connecte-toi à la grâce de Dieu. Au nom de Jésus. Et il va te transformer. Refuse tous les autres rapports. Écoute seulement le rapport de Dieu. Le rapport de Dieu est vrai. Ce qu'il a dit, lui il connaît comment il va l'accomplir. Il ne demande pas l'appui d'autrui. Il ne demande pas conseil. Il n'appelle pas un conseil. Ce qu'il décide de faire, il est le seul Dieu et il le fait. Praise the name of the living God. Gloire à Dieu. Hallelujah. Amen. Je suis en train de parler à quelqu'un qui au dehors ils sont étonnés. Mais au dedans il y a des pleurs. Il y a des personnes qui marchent et ils sont en train de briller à l'extérieur. Dans le livre d'Ézéchiel, on dit que ce sont des morts qui sont en train de marcher. Ce sont des gens qui marchent, mais ils sont morts au-dedans. Et c'est pourquoi Dieu a appelé Ézéchiel. Il a dit à Ézéchiel, va dans la vallée des eaux secs. Ézéchiel 37. Ézéchiel 37. Va et prophétise aux eaux. Il dit, Ézéchiel, qu'est-ce que tu Ezekiel vois? Ézéchiel a donné un bond de la mifupa. Ézéchiel a vu une vallée des eaux secs. Il n'y a pas de chair. Il n'y a pas de muscles. Et Dieu lui a demandé, est-ce que ces eaux peuvent vivre encore? Et même le prophète a dit, c'est toi seul Seigneur, c'est toi seul qui connais. Gloire à Dieu. Dieu a dit à Ézéchiel, prophétise à ces eaux. Et Dieu a dit, ces eaux secs, c'est mon peuple, les enfants d'Israël. Dieu lui a dit, ils sont en train de dire, notre espoir est fini. Praise the name of the living God. Gloire à Dieu. Doto zetu zimesahaulika. Nos rêves sont oubliés. Kwa sababu walikuwa wamekaa in exile for 70 years. Parce qu'ils étaient dans la captivité pour 70 années. Hawakuwa na matumaini ya kurudi. Ils n'avaient plus d'espoir pour retourner. Doto zao za kwenda kumwabudu Mungu Jerusalem na kujenga hekalu. D'aller à Jérusalem et construire un temple était brisé. Ukisoma kwa sababu ya wakati Ezekiel 37. Dans Ezekiel 37, tu peux lire à la Mungu akamwambia, Dieu était en train de dire, mimi nitakuja, moi je viendrai, na nitafungua makaburi zenu, et je vais libérer vos sépulcres. Ezekiel 37. Ezekiel 37. Utasoma mistari mingi. Nous n'allons pas lire beaucoup de versets, mais vous pouvez lire tout le chapitre à la maison. Tu as somme Ézéchiel 37. Ézéchiel 37. From verse 11. À partir du 11e verset. Then he said to me, il m'a dit, Son of man, fils de l'homme, these bones, ces os, are the whole house of Israel. C'est toute la maison d'Israël. They say, voici, ils disent, our bones are dried up, nos os sont desséchés, and our hope is gone. Notre espérance est détruite. We are cut off. Nous sommes perdus. Therefore, Ainsi, prophesy, prophétise and say to them, et dis-leur, this is what the sovereign Lord says. Ainsi parle le Seigneur. Oh my people, voici mon I'm peuple. Going to open your graves. J'ouvrirai vos sépulcres. And bring you from Je them. Vous ferai sortir de vos I'll sépulcres. Bring you back to the land of Israel. Je vous ramènerai dans le pays then d'Israël. You, my people, et vous serez mon will peuple. Know que je suis that I am the Lord. L'Éternel. When I open up your graves, lorsque j'ouvrirai vos sépulcres and bring you et que je vous ferai up from them. Sortir de vos sépulcres. Vile ambavyo Mungu huwa anaona mambo. La façon dont Dieu voit les choses. Sio vile sisi huwa tunaona. C'est pas de la même manière pour nous. Kwa sababu watu hawa hawakuwa wamekufa. Parce que ces gens n'étaient pas morts. Hawakuwa wamekufa. Ils n'étaient pas morts. Kimwili hawakuwa wamekufa. Physiquement, ils n'étaient pas morts. Lakini Mungu akiwatazama. Mais quand Dieu les regardait. Alikuwa anaona hawa ni watu ambao. Il voyait que ces gens. Wamekufa na mifupa yao imekauka. C'est un peuple qui est mort et les os sont desséchés. Ni watu desséchés. Ambao. Ce sont des peuples, c'est un peuple zao. Où leurs rêves. Wamezizika. Sont déjà enterrés. Katika kaburi ya sahau. Dans des sépulcres de l'oubli. Lakini Mungu akamwambia. Mais Dieu leur dit. Ezekiel. Ezekiel. Tabiria mifupa mikavu. Prophétise à ces os sèches. Parce que moi Dieu. Ninakuja. Je viens. Mungu alirudia mara mbili. Dieu a répété deux fois. Nitafungua makaburi Je vais ouvrir les sépulcres. Si on makaburi ya watu waliokufa. C'est pas les sépulcres des gens qui sont morts. Makaburi ya ndoto. Les sépulcres des rêves. Maono. Les visions. Aspirations in life. Les aspirations de la vie. Ambazo zimezikwa. Qui ont été enterrées. Na akasema atazifufua. Et il a dit je veux ressusciter cela. Ya leo. Ce soir. Na achilia pumzi ya Mungu. Je libère le souffle na de Dieu. Uhai wa Mungu. La vie de Dieu. Ninafufua ndoto zako. Je veux ressusciter tes rêves. Wewe uliyekuwa na ndoto ya kutumikia Mungu. Toi qui avais des rêves que tu serviras Dieu. Wewe uliyekuwa na ndoto. Toi qui avais le rêve. Ya kwamba utaishi maisha mazuri. Que tu vas vivre une vie. Ya kwamba utakuwa na furaha maishani. Que tu auras la joie dans la vie. Utakuwa msaada kwa jamii. Tu seras un appui. Tu seras un appui. Ta Mais les choses ont changé. Leo, aujourd'hui, ninafufua, je ressuscite doto zako, tes rêves, maono yako, ta vision. Na yanenea uhai. Je parle la vie, je prononce la vie. Nafufua, je ressuscite doto za watu wa Mungu, les rêves du peuple Neno de Dieu. Bwana alikunenea, la parole que tu as dit sur toi. Kwamba haritatimia, tu as cru que cela ne va pas s'accomplir. Je parle que la vie revienne. Je déclare la vie ce soir. N'importe la situation, je viens dire ya Congo, que le pays de Congo, anakuja, Dieu vient, kufungua makaburi il vient yenu, ouvrir les sépulcres, ya doto zenu, il vient ouvrir les sépulcres de vos rêves, ya maono les zenu, sépulcres de vos visions. Nanena pumzi ya Mungu, je déclare la vie de Dieu, wa Mungu, le souffle de Dieu katika uchumi wenu, dans votre économie, katika siasa zenu, dans votre politique, katika mwili wa Christo, dans le corps du Christ, katika jamii, dans la famille, katika dans la société, dans la société, dans les affaires, je m'élève ici en tant que prophète de Dieu et je libère la vie, la vie, la vie, la vie, la vie. Kile kimekufa ndani yako. Ce qui était mort en toi. Ukuu ambao umekufa. Cette grandeur où tu es mort. Ukapoteza matumaini. Tu as perdu d'espoir. Ukaona huwezi ishi maisha mazuri. Tu ne peux plus vivre une bonne vie. Ukaona huwezi kuwa na ushindi. Tu ne peux plus avoir la victoire. Ukaona huwezi tembelea mataifa ya nje. Tu ne peux pas aller aux autres nations extérieures. Naachilia uhai. Je libère la vie. Naachilia uhai. Je libère la vie. Naachilia uhai. Je libère la vie. Naachilia uhai. Je libère la vie. Uhai wa ndoto. La vie dans la vision. La vie dans les rêves, peu importe qu'est-ce qui t'entoure, quelle est la situation qui t'entoure. Hosea 10:13. La Bible dit kwa nabii au prophète aliwakomboa wana wa Israeli il a libéré le na peuple d'Israël et par le prophète akawadumisha il les a kila wakati Mungu anataka kutenda jambo chaque fois que Dieu veut faire Mungu quelque chose nabii. Il élève un prophète Mungu inua watu wanaoweza kutabiri il élève des gens qui peuvent prophétiser et ce soir natabiria inchi ya prophétise sur le Congo natabiria wa Congo je prophétise aux Congolais natabiria uchumi wenu je prophétise sur votre économie jina la Yesu au nom de Jésus natabiria mazingira yenu je prophétise sur votre environnement je prononce la vie. Je prononce la vie. Tout ce qui était mort. Tout ce qui n'avait pas d'espoir. Hey! Oh, je prononce la vie. La fille qui n'a plus d'espoir de vie. Je prophétise. La vie, la femme qui n'a plus d'espoir pour avoir des enfants. Je prophétise la vie. Celui qui est dans les affaires et il n'a plus d'espoir pour être élevé. Je prophétise la vie. Ceux qui ont les dons, qui n'ont plus d'espoir pour utiliser ces dons, que dons sont exploités. Je prononce la vie. Même ceux qui sont dehors, je prophétise la vie. La vie de Dieu. Oh! Que la baganda baboche. Rekabaganda baboche le begenda. Rekabaganda baboche. Rekabaganda baburia. Rekabaganda baboche le begenda. Rekabaganda rababoshe. Rekabaganda ribabozaya. Shakabaganda. Kuna watu wanapokea uponyaji wa ndani. Il y a des gens qui reçoivent la guérison intérieure. Wacha uko ndani. Il est dedans de toi. Pokea uponyaji. Que tu reçoives la guérison. Majeraha ya ndani. Qu'au dedans de toi. Hali ya kukata tamaa. La façon dont tu perds espoir au dedans. Tu te méprises. Hali ya kujidunisha. Tu te méprises. Hali ya kuona uwezi. Tu crois que tu ne peux pas. Hali ya kuona wewe ni bure. Tu te négliges. Achilia imani yako. Libère ta foi. Achilia imani yako. Libère ta foi. Achilia imani yako. Libère ta foi. Mwambie Bwana. Dis à Dieu. Wewe unaweza. Tu es capable. Wewe unaweza. Tu es capable. Hata wakati siwezi. Même quand moi je ne peux pas. Wewe ni Mungu. Toi tu es Dieu. Hakuna jambo. Il n'y a pas de chose. Linalo kushinda. Qui est plus fort que toi. Reçois la vie. Uhai wa Bwana. Reçois la vie de Dieu. Uingie ndani yako. Que la vie de Dieu entre en toi. Jina la Yesu. Au nom de Jésus. Kela baganda babosh. Rekabaganda rababosh. Kila hali ya kukata tamaa. Chaque situation de perte d'espoir. La mort interne. La mort interne. Wacha kiondoke. Que cela quitte. Kifo cha ndani. La mort interne. Kifo cha mawazo. La mort de tes pensées. Wacha kiondoke. Que cela quitte. Bwana anza kufufua. Que le Seigneur commence à ressusciter. Sasa. Commence à ressusciter maintenant. Anza kufufua sasa. Ressuscite maintenant Seigneur. Anza kufufua sasa. Ressuscite maintenant Seigneur. Anza kufufua sasa. Ressuscite maintenant Seigneur. Anza kufufua sasa. Ressuscite maintenant Seigneur. Anza kufufua sasa. Ressuscite maintenant. Ingia kwa mifupa mikavu. Entre dans les os. Ingia kwa makaburi. Entre dans les sépulcres. Makaburi ya ndoto. Les sépulcres de rêve. Makaburi ya maono. Les sépulcres de vision. Makaburi ya watu wanaona kushindwa. Ingia kwa hayo makaburi. Entre, pénètre dedans. Ingia kwa hayo makaburi. Entre dans ces sépulcres. Fungua makaburi. Et ouvre les sépulcres. Makaburi ya hatima. Les sépulcres de destinée. Makaburi ya hatima. Les sépulcres de destinée. Watu waliokuwa. Les gens qui na hatima kubwa. Ils avaient une grande destinée. Ingia katika makaburi. Entre dans les sépulcres. Makaburi ya hatima. Les sépulcres de destinée. Kuinua sasa. Et commence à élever. Anza kufufua sasa. Commence à ressusciter. Kufua hatima kubwa. Ressuscite. Hatima kubwa za watu wako. Hatima kubwa za watu wako. Anza kuziinua tena. Anza kuzifufua tena. Anza kuzifufua tena. Ninafungua makaburi. Makaburi ya hatima. Makaburi ya hatima. Kila hatima. Ambazo zimezikwa na nguvu za giza. Na nguvu za giza. Maroho ya kifo. Maroho ya kifo. Ondoka sasa. Quitte maintenant. Ondoka sasa. Ondoka sasa. Quitte maintenant. Ondoka sasa. Quitte maintenant. Maroho ya kifo. L'esprit de mort. Maroho ya kifo. L'esprit de mort. Ondoka sasa. Hautaua. Tu ne vas pas tuer. Tu ne vas pas tuer. Tu ne vas pas tuer les destinées. Hautaua hatima. Tu ne vas pas tuer les destinées. Je libère, je ressuscite la destinée. Hatima ya inchi. La destinée de la nation. Ya wa Congo. La destinée des Congolais. Hatima ya wa Goma. La destination des hatima gens de Goma. Ya jamii. La destination hatima de ya la watumishi. Société. La destinée hey. De la, des serviteurs. Kela baganda baboshi. Reka baganda baboshi. Reka baganda baboshi. Dio hizo nguvu za Bwana. Voici la force de Dieu. Nguvu za Mungu. Voici la force kila de Dieu. Mahali. Partout. Kila mahali. Partout. Makaburi yafunguliwe. Les sépulcres sont ouverts. Makaburi yafunguliwe. Les sépulcres sont ouverts. Makaburi yafunguliwe. Les sépulcres sont ouverts. Makaburi yafunguliwe. Les sépulcres sont ouverts. Makaburi ya vipawa. Les sépulcres de dons. Makaburi ya mwito. Les sépulcres de watu waliokuwa na mwito. Ceux qui avaient la paix. Watu walio na vipawa. Ceux qui ont des dons. Lakini wamefinyiriwa. Mais ils sont coincés. Shetani. Le diable. Ondoa mkono wako mchafu. Sors. Ondoa sasa. Enlève ta main. Ondoa sasa. Sors. Mataifa yanakugojea. Les nations t'attendent. Wewe hautazaa upepo. Tu ne vas pas. Wewe hautazaa upepo. Tu ne vas pas. Wewe utazaa wokovu. Wewe utazaa wokovu. Utazaa wokovu. Tu auras le salut. Wokovu katika jamii. Le salut dans la famille. Wokovu katika mji. Le salut dans la ville. Wokovu katika taifa. Le salut dans la nation. Wokovu katika mataifa. Le salut dans les nations. Reçois la touche de Dieu. Reçois la touche de Dieu. Receive the touch of God. Reçois la touche de Dieu. Que la baganda baboshe. Reka baganda baboshe. Reka baganda. J'ai dit il ne faut pas attendre l'appel. Quand le message continue, reçois ton miracle. Pendant que le message continue, n'attends pas la fin. Quand la parole continue, toi saisis ton miracle. Reçois ton miracle. Tu seras élevé. Brise les forteresses pour te mépriser. Ne dis pas que je suis une femme. Ne dis pas. Chez nous, il n'y a pas de grands. Ne dis pas. Mimi si jasoma. J'ai pas étudié. Ne dis pas. Hey. Oh. Chez nous, il n'y a pas de rêve. Il n'y a jamais eu quelqu'un qui s'est élevé. Toi, tu seras élevé. Oh. Yeah. Oh. Bwana fungua makaburi. Seigneur, ouvre les sépulcres. Fungua makaburi. Ouvre les sépulcres. Fungua makaburi. Ouvre les sépulcres. Fungua makaburi. Ouvre les sépulcres, Seigneur. Fungua makaburi. Ouvre les sépulcres, Seigneur. Kuna watu hawaishi maisha yao. Il y a des personnes qui ne sont pas en train de vivre leur vie. Kuna watu hawaishi maisha yao. Il y a des personnes qui ne sont pas en train de vivre leur vie. Reçois ta propre vie. Maisha Mungu alikusudia. La vie que Dieu a planifiée pour toi. Maisha yako. Reçois ta vie. Hautabadilishiwa. Tu ne seras pas changé. Hatima yako. Ta destinée ne sera pas changée. Reçois ta vie. Maisha yako. Reçois ta propre vie. Maisha Mungu alikusudia. La vie que Dieu a planifiée pour toi. Maisha Mungu alikusudia. La vie que Dieu a planifiée pour toi. Ne sera pas changé. Tu ne seras pas retardé. Tu ne seras pas retardé. Tu ne seras pas retardé. Tu ne seras pas retardé. Oh my God. Oh mon Dieu. Oh my God. Oh mon Dieu. Je crois qu'il y a des personnes où Dieu m'a envoyé que je vienne vous parler, que je vienne prophétiser sur votre destinée, que je puisse libérer et ouvrir les sépulcres, que vous puissiez avoir la foi encore une fois, que vous ne puissiez pas perdre espoir, que vous ne puissiez pas être confus dans vos pensées, que vous puissiez libérer votre foi, libérer votre foi, libérez votre foi, que vous puissiez être guéri au-dedans, les blessures intérieures soient guéries. La situation de perte d'espoir, quitte, ziondoke, quitte, ziondoke, quitte, ziondoke, libère. Wewe hautakufa. Tu ne mourras pas. Wewe utaishi. Tu vivras. Wewe utatangaza. Et tu annonceras matendo ya Bwana. Les œuvres de Dieu. Utaona ukuu wa Bwana. Tu verras la grandeur hey. De Dieu. Oh. Vas-y la hibou. Il faut ôter la bille de honte. Ôte la bille de honte. Ôte la bille de honte. Porte la bille de gloire. Porte la bille de louange. Tu portes une grandeur. Tu portes le salut. Tu portes la pluie. Oh. La force de Dieu descend sur toi. Dieu te change. Dieu te transforme maintenant. Dieu te transforme maintenant. Dieu te transforme. Hey, hey, hey, hey. Oh. Maintenant, hey, maintenant, hey, maintenant, maintenant, l'Esprit de Kuna Dieu, watu, anawashika sasa. Les gens sont en train d'être saisis, sasa. Les gens sont saisis, les gens sont saisis, awabadilishe. Ils vous transforment, ils vous transforment, kama Mungu ziko juu yako. Si la force de Dieu est pokea sur toi, maradufu. Reçois au multiple, reçois au centuple, pokea maradufu. Reçois au centuple, pokea maradufu. Reçois au centuple, pokea maradufu. Reçois au centuple. Kila nguvu ya kifo. Chaque force de mort. Kila roho ya kukata tamaa. Chaque force pour perdre kila espoir. Kila roho ya kukusukuma chini. L'esprit de te qui nguvu zote za giza. Chaque force de ténèbres. Anza kufunga virago. Commence à plier tes bagages. Kuondoka sasa. Plie tes bagages et sors. Anza kuondoka sasa. Plie tes bagages et sors. Gome zinaanguka. les forteresses tombent, les obstacles sont brisés, les gens iront de l'avant, le peuple ira de l'avant. Je vois en trois ans, après aujourd'hui, les étoiles de quelqu'un, l'étoile de quelqu'un brille, les gens marchent, et les nations de la terre, les gens sont envoyés pour faire des grandes choses. Ce n'est que le début d'une nouvelle saison que Dieu va commencer dans ce ministère. Reçois ta part. Reçois ta part. Que la baganda baboche. Reka baganda baboche. Reka baganda baboche. Reka baganda baboche. Kata kufanywa bure. Refuse d'être un vaurien. Kata kufanywa bure. Refuse d'être un vaurien. Kata bazira aibu. Refuse l'habit de la honte. Toka kaburini. Quitte le sépulcre. Toka kaburini. Quitte le sépulcre. Makaburi ya hatima. Le sépulcre de ta destinée. Chukua hatima yako. Prends ta destinée en main. Chukua hatima yako. Prends ta destinée en main. Tunafungua makaburi. Nous ouvrons les sépulcres. Bwana amekuja. Dieu est arrivé. Afungue makaburi. Pour ouvrir les sépulcres. Makaburi ya hatima. Le sépulcre de destinée. Chukua hatima yako. Prends ta destinée. Prends ta destinée. Prends ta vie. La vie que Dieu a prévu pour toi. Prends cette vie-là. Prends cette vie-là. Que Dieu a planifié pour toi. Yeah. Oh. Yeah. Yeah. Open the floodgates of heaven. Ouvre les églises des cieux. Fais qu'il pleuve. Open the floodgates of heaven and let it rain. Let it. Open the floodgates of heaven. Let it rain. Let it rain. Écoutez-moi. Quand nous allons prier cette prière, kuna mambo mengi tunaweza kuongea, il y a plusieurs choses que nous pouvons dire. Lakini ningependa kukata ujumbe huu. Mais je voudrais faire couper cette prédication hivi, en disant ceci. Tunapoongea uhai wa Bwana, quand nous parlons de la vie de Dieu, kwa Greek wanatumia jina Zoe. En grec, on dit Zoe. Na jina hili Zoe, et le nom Zoe, zinaongea juu ya the God kind of life. Ça parle de la vie de Dieu, une vie semblable à la vie de Dieu. Yohana mlango wa kwanza mstari wa 4. Dans Jean chapitre 1er. Biblia nasema, la Bible dit. Kuanzia John 1:3 nasema, through him all things were made. Il y a trois autres choses qui ont été faites. rien, toutes choses ont été faites Nothing par elle. Made et sans lui, rien n'a été made. Fait qui a été fait. In him was life. En elle était la vie. And that life was the light of men. Et la vie était la lumière des hommes. When Jesus came, quand Jésus est venu, the Bible says, in him, la Bible dit en lui was life. Était la vie. And that life et cette vie was the light of men. Était la lumière des hommes. The Bible says, la Bible dit, the Son le Fils had life a la vie in himself, avait la vie en lui-même. As God comme Dieu has life. Comme Dieu a la vie en lui. Tunaposema Mungu ako hai, quand nous disons que Dieu est vivant, Mungu yuko hai, Dieu n'est pas vivant hein, kama mimi na wewe. Comme toi et moi. Uhai wa Mungu, la vie de Dieu ni wa dimension ya tofauti. C'est une autre dimension de vie. Okay, soma katika kitabu cha Hesabu. Si tu lis dans les livres de Nombre, Musa, Moïse, akaambiwa chukua vijiti 10 na viwili. On lui a dit prends 12 bâtons. Viweke katika uwepo wangu. Mets-les dans ma présence. Asubuhi, le matin, kijiti cha Aaron. Le bâton d'Aaron kikawa kimetoa matawi. Porté avait des branches. Na kimezaa matunda. Et avait des fruits. Kijiti kilikuwa kimekauka. La branche, le bâton était sec. Uhai wa Mungu, la vie de Dieu huwa unaingia kwa vitu vimekufa. Entre dans des choses qui sont déjà mortes. Hata vitu vya asili. Même les choses qui sont déjà secs. Na wakati Adam and Eve, quand Adam et Eve waliambiwa watakufa, on leur a dit vous mourrez. Physically hawakufa. Physiquement ils ne sont pas morts. Lakini walipoteza uhai. Mais ils ont perdu la vie. Na diposa wakatolewa shamba la Edeni. Ainsi ils ont quitté le jardin d'Eden. Wakaambiwa watakula kwa jasho. On leur a dit vous mangez par la sueur. Inchi haitaza. Et même la terre ne portera pas de fruit. Wa Mungu kiondoka. Parce que quand la vie de Dieu sort, mazao ya kawaida, même ce qui devait être produit normalement n'est plus là. Nimekuwa nikifuatilia sana. J'étais en train vraiment de suivre maeneo ambayo yamekuwa na revival. Les endroits où il y a eu le réveil. Na nimesoma juu ya revival kama kule ilikuwa mahali kama Haiti na sehemu zingine. J'ai étudié sur mahali kumeshawahi kuwa na ufufuo. Le réveil en Haïti et ailleurs. Là où il y a eu le réveil, wanasema hata mito haikuwa na samaki. On dit même quand il y avait des rivières qui n'avaient pas de poissons, il y a maintenant des poissons dedans. Tunaweza ukaa chini na mali. Nous pouvons nous rasseoir. Je vais terminer. Et puis nous allons prier. Wanasema hata mito ambayo haikuwa na samaki. Même les rivières qui n'avaient pas de poissons, inakuwa na samaki. Commencent à avoir des Mashamba poissons. Mashamba haikuwa inazaa. Les champs qui ne produisaient hata plus. Hata bila fertilizer. Même sans qu'on mette des engrais. Yanazaa kama ni carottes. Ils commencent à faire à donner si ce sont des carottes. Inatoshana na mkono. C'est comme une grande carotte comme toute une main. Pourquoi? Uhai wa Mungu. La vie de Dieu. Uko na uwezo. A le puissance. Wa kuingia kwa kila kitu. La puissance d'entrer dans chaque chose. Wa kuingia kila mahali. D'entrer dans chaque endroit, chaque domaine. Gloire à Dieu. Inaitwa Zoe. On appelle Zoe. The God kind of life. La vie comme la vie de Dieu. Uhai wa Mungu. La vie de Dieu. Unaweza ingia kwa biashara. Peut entrer dans les affaires. Unaweza ingia kwa maono yako. Ça peut entrer dans ta vision. Na chochote kinapokea ule uhai. Et tout ce qui va recevoir cette vie. Hata kama kilikuwa kimekufa. Même si c'était déjà mort. Kinafufuka tena. C'est ressuscité immédiatement. Jina la Bwana lipewe sifa. Gloire soit rendue à Dieu. Jioni ya leo. Ce soir. Na hisi Mungu anaachilia uhai wake. Je sens Dieu en train de libérer sa vie. Katika maisha yetu. Dans nos vies. Kuna mambo yalikuwa yamekufa. Il y a des choses qui étaient déjà mortes. Lakini yanapokea uhai. Mais ils sont en train de recevoir la vie. Naomba maono yako. Je prie que ta vision. Yapokee uhai wa Mungu. Puisse recevoir la vie de Dieu. Katika jina la Yesu. Au nom de Jésus. Wakati Ezekiel. Quand Ezekiel. Aliambiwa na Mungu. Quand Dieu lui disait. Nitakuja kufungua makaburi. Je viendrai ouvrir les sépulcres. Yalikuwa makaburi ya hatima. C'était des sépulcres de destinée. Makaburi ya ndoto. Des sépulcres de rêves. Na maono. Et des visions. Ya watu wa Mungu. Du peuple de Kuna Dieu. Kuna watu wengi. Il y a plusieurs personnes. Destinées zao. Leur destinée. Zimezikwa. Sont enterrées. Maono yao. Leur vision. Ndoto zao. Leurs rêves. Zimezikwa. Sont enterrées. Lakini jioni ya leo. Mais ce soir. Makaburi ya hatima. Les sépulcres de destinée. Yanafunguliwa. Sont ouverts. Makaburi ya maono. Les sépulcres des visions. Yanafunguliwa. Sont libérés. Nini hiyo ulitamani kuona katika maisha yako? Quelles sont ces choses que tu désirais voir dans ta vie? Lakini ukafika mahali. Mais tu es arrivé à un certain ukaona moment. Ukaona haiwezekani. Tu as cru que c'est plus possible. Ukaona ni ngumu. Tu as vu que c'est difficile. Achiria imani yako. Libère ta foi. Jioni ya leo. Ce soir. Na kuunganisha na uhai wa Mungu. Je te connecte à la vie de Dieu. Na kuunganisha na uhai wa Mungu. Je te connecte à la vie de Dieu. Na kuunganisha na uhai. Je te connecte à la vie de Dieu. Na kuunganisha na uhai wa Mungu. Je te connecte à la vie Mahali de Dieu. Ulikata tamaa. Là où tu as perdu espoir. Na ukaona haiwezekani. Tu as vu que ce n'est plus possible. Ukiamini. Si tu crois. mambo yatabadilika. Les choses vont changer. Katika jina la Yesu. Au nom de Jésus. Katika jina la Yesu. Au nom de Jésus. Nanena uhai wa Bwana. Je prononce la vie de Dieu. Ule uku umebeba. Cette grandeur que tu portes en toi. Kile unachohitaji. Ce dont tu as besoin. Ni Mungu tu akupatie uhai wako. Ce que Dieu te donne sa vie. Na kile umebeba. Et cette chose que tu portes. Kikapate uhai tena. Aura encore la vie. Maono uliobeba. La vision que tu portes. Huyo mtoto. Cet enfant. Aliye katika tumbo yako ya kiroho. Qui est dans tes entrailles spirituelles. Katika jina Yesu. Au nom de Jésus. Anaanza kupata uhai. Commence à recevoir la vie. Ah! Oh! Baada ya mkutano. Après cette rencontre. Na watu watasikia mtoto akicheza. Il y a des gens qui vont sentir le bébé bouger. Le bébé de ta vision. Toto wa ndoto. Va commencer à bouger le bébé de tes rêves. Va commencer wataanza à bouger. Va commencer à avoir l'espoir encore. Kuwa na imani. Ils auront la foi encore. Watasikia mtoto. Ils vont sentir l'enfant. Anacheza en tena. En train de bouger encore dans le ventre. Mungu atuponye. Que Dieu nous guérisse. Na tumbo za kuafia mimba. Avec des ventres qui auront, seront enceintes de nos visions, praise de nos rêves. Gloire à Dieu. Tu ne vas pas enfanter du le vent. Tu vas enfanter le salut. Même pour les nations du monde. Praise the name of the living God. Gloire à Dieu. Hallelujah. Amen. Mimi nashukuru Mungu sana. Je bénis Dieu. Ya kwamba hata kama nilitoka katika mwanzo mdogo. Même si j'ai quitté le faible commencement. Avec beaucoup de problèmes. Mimi hufurahia sana. Moi je suis vraiment content. Ya kwamba Mungu amenisaidia kumwamini. Que Dieu m'a aidé à croire en lui. Praise the name of the living God. Gloire à Dieu. Hata kanisani kwetu. Même dans mon église. Wanajua kuna wimbo mimi napenda. Ils savent il y a un cantique que j'aime beaucoup. Ambao unasema. Le cantique kumte ye mea mokozi. Kwangu ta mukabisa kukuba lineno lake ninara hamoyoni Yesu Yesu Yesu Yesu ninami nimemwo na dhabiti Yesu Yesu yu dhamani ahadi zako kwe unafula ikwa sababu nimekutegemea Yesu Doa na rafiki uwe wa Nataka tumwamini Mungu jioni ya leo. Je voudrais que nous puissions croire en Dieu ce soir. Tunapoenda kuomba maombi yetu ya mwisho. Quand nous allons prier la prière finale. Qui dit je veux croire en Dieu? Anisaidie. Qui puisse m'aider? Kutoa uku. Pour faire sort libérer la grandeur. Qu'il a mis en moi. Wewe hauko bure. Tu n'es pas un vaut rien. Power. Il y a des pouvoirs, des dons. Il y a les richesses. Una utajiri. Il y a des richesses. Mungu ameweka ndani yako. Que Dieu a placé en toi. Na ukiachilia uhai wake. Et si tu libères sa vie. Ukiachilia uwepo wake. Si tu laisses que sa présence. Ile Mungu ameweka ndani yako. Puisse entrer en toi. Kitafufuka. Ce qu'il a mis en toi sera ressuscité au nom de Jésus. Hey! Wow! Makaburi yote. Tous les sépulcres. Jioni ya leo. Ce soir. Yamefunguliwa. Sont ouverts. Katika jina la Yesu Kristo. Au nom de Jésus. Wewe utaishi tena. Tu vivras. Maono yako yataishi tena. Ta vision vivra. Ndoto yako itaishi tena. Wewe utazaa. Tu es enfant de Dieu. Kile ambacho. Ce que Mungu aliweka. Dieu a planifié ndani yako. Et il a mis en toi. Simama yako tu. Lève-toi. Simama, simama, simama. Lève-toi. Kela baganda babosh. Reka baganda babosh. Nyumba hii kuna uhai wa Mungu. Il y a la vie de Dieu dans cette maison. Nyumba hii kuna uhai wa Mungu. Il y a la vie de Dieu à cet endroit. Kela baganda babosh. Du lundi au samedi,